Chapitre 9e. À quelque temps de là, un soir, dans les salons d'une ambassade, Philiberte vit passer auprès d'elle un jeune homme qui portait l'uniforme des officiers de marine. Quelque chose la fit tressaillir. C'était un capitaine de vaisseau. Il se retourna. Elle devint blanche comme une statue. C'était M. Louis d'Hennecourt. Il la reconnut et la salua. Philiberte ne put répondre que par un faible mouvement. Son cœur battait à l'étouffer. Le commandant s'approcha presque aussitôt. « Ne me reconnaissez-vous pas » dit-il à mi-voix. « Suis-je donc changé au point que mes traits ne vous rappellent rien ? Ou les amis de Mademoiselle Philiberte de Montmaillon ne sont-ils plus ceux de Madame la Duchesse de Carlepont ?» Cet excès d'audace rendit à Philiberte les forces qui tout à coup venaient de lui manquer, alors avec un mélange d'ironie et de hauteur. « Et pourquoi ne vous reconnaîtrais-je pas » répondit-elle. Est-ce parce qu'un matin vous êtes parti, presque sans me dire adieu ? Une étrangère s'était trouvée à côté de vous, et vous l'avez suivie, je crois. Avez-vous fait une campagne heureuse et bonne, commandant ? Ce suprême dédain troubla M. de Hennecourt. Il n'avait pas vu Philiberte depuis quelques années, et sa beauté avait peut-être une harmonie plus attrayante et cette splendeur dont le mariage enveloppe certaines femmes. Un coup d'œil, cependant, lui fit croire que la personne hautaine qu'il avait devant lui essayait de cacher son émotion sous l'amertume et l'arrogance des paroles. Changeant de ton subitement, comme un général change sous le feu de l'ennemi les combinaisons d'une attaque d'abord mal dirigée, « Écrasez-moi, » dit-il avec vivacité, « laissez-moi, si bon vous semble, mais ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas. Tous les torts, je les ai eus, tous les reproches, je les mérite. Mais qu'une place me soit laissée dans votre cœur, dû la colère en garder toutes les issues. Je veux y être, je veux y rester, je vous le demande, je vous en prie. Ah, vous avez été cruellement vengé. » Tout en parlant, M. de Hennecourt s'était assis aux côtés de Philiberte. Tout à coup, il lui offrit le bras, elle le prit par un mouvement machinal. Que de souvenirs brûlants ranimés par cette voix. Comme il s'agitait dans son cœur. Elle ne respirait plus et appelait la haine à son secours. La haine, épuisée par le temps, la défendait mal. Ils restèrent quelque temps aux bras l'un de l'autre, presque seuls dans cette foule. M. de Hennecourt, maître de lui, elle perdue dans un flot de souvenirs. Elle revoyait en esprit les lieux regrettés où elle l'avait connu. Elle entendait des paroles qui avaient leur écho dans son âme. C'était sa jeunesse qui renaissait. Par moments, une révolte se faisait en elle. N'était-ce pas un traître et un menteur qu'elle avait auprès d'elle ? Ses blessures d'autrefois l'en avertissaient par des tressaillements subis. Alors elle redonnait glacée et méprisante, mais lui, d'un mot, la désarmait. « Accablez-moi. Frappez encore, frappez toujours, » disait-il. « Ces déchirures me sont plus douces que votre silence et votre oubli. » Leur promenade les amena dans une serre où des sièges étaient dispersés. La lumière, tamisée par les rameaux verts, répandait une clarté incertaine. Philiberte et M. de Hennecourt s'assirent entre des massifs d'arbustes en fleurs. Cette solitude que la foule brillante et parée accorde à ceux qui la cherchent les entourait. L'officier de marine appelait l'entretien sur les choses passées. Philiberte les suivait avec un trouble qui s'augmentait d'instant en instant. M. de Hennecourt allait au-devant des reproches et des condamnations. Puis, quand il la voyait plus attentive, « Vous ne savez pas combien j'étais malheureux, » disait-il. « Il ne fallut pas un temps bien long pour que je visse l'étendue de mon crime, de ma folie. L'erreur passée, je compris que j'avais tout perdu. Mon cœur saignait et ma conscience criait contre moi. Où étiez-vous alors ? Où était le bonheur ? J'aurais voulu courir au lieu où vous viviez, me jeter à vos genoux, obtenir mon pardon ou mourir. Le devoir m'enchaînait à cette même place où je pleurais. Quand je fus libre, vous apparteniez à un autre. Ce qui s'est passé en moi, vous ne le saurez jamais. Je vous ai fui. Un hasard m'a ramené auprès de vous. Une force invisible m'a poussé. Maintenant, vous savez tout. » Philiberte penchait la tête. Elle sentait que la fièvre la gagnait. Les mêmes accents lui rendaient les mêmes émotions autrefois ressenties. Elle en éprouvait les ivresses et n'avait plus de force que pour les dissimuler. « Ah, lâche cœur, » se disait-elle, « aimerais-je donc toujours ce que j'aimais une fois ?»« Pardonnez-moi si je reste auprès de vous, » continua M. de Hennecourt. « Cette heure que je dérobe à une nuit de fête sera la seule, peut-être, où je vous aurai auprès de moi, dans un an, dans un mois, où serai-je? Où serai-je peut-être avant 3 jours? Ah, que ne partez-vous demain? Murmura Philiberte. Le matin la surprit avant qu'elle se fût aperçue du passage de la nuit. Monsieur de Carlepont s'approcha d'elle à l'heure où le bal finissait. « Quel est donc cet officier de marine qui vous donnait le bras il y a un instant ?» lui dit-il. « Monsieur Louis de Hennecourt, » répondit Philiberte. « Ah !» fit le duc. Il y avait dans la voix de monsieur de Carlepont quelque chose de métallique dont le son la fit pâlir. Elle devait avoir des accents pareils, cette voix, lorsque le duc entamait à Madrid, à Naples, à Constantinople, les aventures bruyantes qui le poussaient sur le terrain des duels. Couché au fond de la voiture et tout entière aux agitations de la nuit, Philiberte semblait comme morte dans son immobilité. « Si je le revois encore, je suis perdue et le sang coulera, » se dit-elle. Au moment de rentrer dans son appartement, oppressée et tout entière à son émotion, elle vit de la lumière dans la chambre de son fils. Des domestiques allaient et venaient d'un air effaré. Elle y courut. L'enfant, couché sur les genoux d'une femme, avait l'air d'un mort. Philiberte poussa un cri. La personne qui endormait le petit Henri posa un doigt sur ses lèvres. « Madame, n'ayez pas peur, » dit-elle. « À présent, c'est fini. » Madame de Carlepont s'agenouilla auprès de l'enfant et prit entre les siennes ses petites mains encore froides. Elle apprit alors qu'il avait été saisi pendant son sommeil de convulsions violentes. Il avait failli passer de vie à trépas. Sans le dévouement et le sang-froid de la femme qui veillait auprès de lui, Henri n'en serait pas revenu. « Et je n'ai rien su !» s'écria Philiberte. « Madame était au bal, c'est de son âge !» répondit la personne qui tenait Henri dans ses bras. « Et puis il fallait penser au petit. » C'était le plus pressé. Jean courait chez le médecin de madame. Louis s'en allait chez un autre que je sais qui demeure dans le quartier. Celui de madame est un peu loin et pouvait n'être pas chez lui. Fanny faisait chauffer de l'eau. Tout le monde était en l'air. Grâce au ciel, rien n'a manqué à l'enfant. Et le voilà qui dort. La duchesse pencha sa tête sur les mains qui entouraient son fils et les embrassa. « Ah, madame !» fit la nourrice qui voulut les retirer. « Laissez !» reprit Philiberte, qui le retint doucement. « Vous ne savez pas tout ce que je vous dois. » Le jour même, on partit pour le rocher, afin d'obéir aux prescriptions du médecin qui conseillait l'air de la campagne. Il faut dire, à la louange de Philiberte, qu'elle ne pensa pas une fois à M. d'Hennecourt pendant ces heures cruelles. 3 jours après, Henri courait dans les champs. Mais cet événement devait avoir pour Philiberte des conséquences morales qu'elle ne prévoyait pas. Il la fit en quelque sorte rentrer en elle-même. Déjà, la vie bruyante qu'elle avait menée pesait à son cœur déchiré. Elle n'y trouvait ni l'oubli ni l'apaisement. Quelque chose lui disait que la route suivie jusqu'alors était sans issue, et un secret mouvement d'orgueil lui donnait la pensée qu'elle valait mieux que cette existence où les meilleurs dons s'amoindrissent et se perdent. La dernière nuit passée dans un bal lui laissait des souvenirs poignants, qui lui faisaient monter le rouge au front quand elle y pensait. Fallait-il qu'elle s'exposât de nouveau aux émotions perfides qui l'avaient agitée pendant cette nuit d'ivresse? Combien de pareils en supportera-t-elle sans être en péril sérieux? La situation où ses défaillances l'avaient poussée était telle qu'elle n'y voyait de remède que dans un acte d'énergie et de vertu qui en changeait radicalement les conditions. Pour ne plus être en passe de déchoir, il fallait quelque chose qui la relevât à ses propres yeux. La pensée du sacrifice se fit jour dans son esprit. Elle s'y attacha, la mûrit et la fit sienne. Un matin, sans se faire annoncer, Philiberte entra chez le duc. L'air de son visage le frappa. « Qu'est-ce donc et qu'y a-t-il ? » s'écria monsieur de Carlepont. « Est-ce qu'Henri ? Henri est sauvé, vous le savez. Le médecin en répond. Vous tremblez cependant. Mais j'y pense. « Vous, peut-être. Rassurez-vous. Il s'agit de moi, en effet, mais non dans le sens que vous croyez. Expliquez-vous. » Philiberte s'empara de la main de M. de Carlepont et d'une voix où l'on sentait comme un sanglot étouffé. « Faisons un effort, tous deux. Et parlons comme si nous étions des amis sincères, qui n'ont dans le cœur, l'un pour l'autre, que de bonnes pensées, » reprit-elle. « Parlez, je vous écoute. » Ne vous ai-je pas prouvé en toute occasion que j'étais le vôtre ? Poursuivit monsieur de Carlepont qui la fit asseoir. Ainsi vous m'autorisez à m'ouvrir à vous avec une entière confiance, sans doute. Alors j'irai droit au but, et il dépendra de vous de me rendre la paix que j'ai perdue. Elle se tut quelques instants comme une personne qui cherche à rassembler ses idées, puis affermissant sa voix. « Suis-je libre ? » reprit-elle. « Eh bien, si je vous demandais de quitter le rocher, de ne plus retourner à Paris, me laisseriez-vous partir ?» Monsieur de Carlepont hésita une minute, les yeux dans les yeux de Philiberte. « Quitter le rocher, ne plus retourner à Paris, » dit-il enfin. « Mais Henri, mais celui qui vous parle, quelle place tiennent-ils dans ce projet ? Que devient la femme ? Que devient la mère ?» Philiberte tressaillit, mais d'une voix ferme et se remettant presque aussitôt, « Répondez d'abord. « Me laisserez-vous partir ? » continua-t-elle. « Oui, s'il le faut, » reprit avec effort M. de Carlepont. « Alors demain, je ne serai plus ici. C'est donc une séparation. Ce n'est pas une séparation dans le sens où vous l'entendez, Pierre. C'est une expiation. »« Une expiation ? » s'écria le duc. « Je ne vous comprends plus. Écoutez-moi, mon ami. Écoutez-moi avec la patience d'un confesseur à qui j'ouvrirai mon âme. Je ne suis pas heureuse. Pas plus, je crois, que vous n'êtes heureux. Quand rien ne manque, des conditions qui peuvent assurer le bonheur à deux êtres associés par un lien indissoluble, il faut chercher en eux la cause du mal dont ils souffrent. Nous ne vivons pas bien, ni vous ni moi. Ne m'interrompez pas, ajouta Philiberte. Allez. J'ai beaucoup réfléchi ces temps derniers, souvent avec une amertume que le flot des larmes ne parvenait pas à soulager. C'était comme le déchirement de tout mon être. Puis un jour, j'ai senti une secrète douceur se mêler à ses larmes. C'est que je venais d'entrevoir le moyen de les apaiser. Ce fut comme une aurore. Mais d'abord, rappelez-vous ce que nous étions autrefois l'un et l'autre. Vous savez à quelle rêverie perfide j'avais abandonné le soin de ma vie. Une sorte d'alanguissement moral, où je me complaisais, me faisait voir dans l'amour le but et le mobile de toute chose. Je ne veux accuser personne, mais vous n'ignorez pas quelles circonstances m'enracinèrent dans cette erreur. Le réveil, si dur qu'il fût, ne m'en put détacher. Il laissa dans mon cœur amolli je ne sais quel tourbillon d'instincts maladifs et pervers, contre lesquels je luttais vainement. Philiberte fit une pause. Elle était oppressée. Cherchant alors la main de M. de Carlepont, elle la serra doucement. « Ne m'en veuillez pas de vous parler ainsi, » reprit-elle. « Vous m'avez permis de tout vous dire. »« Continuez, » répliqua le duc. « C'est alors, Pierre, que vous m'avez rencontré. J'étais oisive et désenchantée, avec un âpre besoin d'éprouver encore ce qui m'avait fait vivre, et cela sans illusion, sans foi. Vous, de votre côté, vous étiez inoccupée et mal préparée aux saintes promesses du mariage. C'est pourquoi nous avons mal commencé, n'étant ni l'un ni l'autre sincère et dévoué. Vous avez pris pour de l'amour ce qui n'était que l'attrait perfide de l'isolement, de la jeunesse, de la saison. J'appelais de ce même nom qu'il ne faudrait jamais profaner ce qui n'était que le fruit de la faiblesse et du découragement. Tous deux nous en avons été punis. Dites, est-ce vrai ? C'est vrai, répondit M. de Carlepont. À présent la lumière s'est faite. Elle s'est faite dans une heure qui a failli couvrir ma vie d'un deuil éternel. Je ne vous donnerai pas de conseils sur l'emploi futur de votre vie, mais certes, quant à moi, je ne continuerai pas comme j'ai vécu jusqu'à présent. Suis-je bien la mère qui convient à votre fils ? Je n'hésite pas, moi qui l'aime, à répondre non. Mais cette mère à laquelle il a droit, je le deviendrai par le sacrifice et la volonté. Comme on plonge des membres affaiblis dans des eaux salutaires et fortifiantes, je plongerai mon âme dans la mortification et la charité. J'y périrai où elle sera régénérée. Ma punition sera de ne plus le voir. Ma récompense, si j'y parviens, sera de l'embrasser et de lui dire « Tu m'appartiens ». Allez, je serai mère ou je serai morte. C'est bien le moins que je sois quelque chose, n'ayant pu être ni bonne femme ni honnête fille. Un reste d'amertume parut sur son visage en prononçant ces dernières paroles. Puis le calme se fit. Un léger cri retentit dans le jardin. Philibert se pencha à la fenêtre et vit son fils qui tremblait de surprise et d'émotion à la vue d'un nid dérobé par un enfant dans une haie. « Ah, pauvre cher petit, dit-elle, je lui dois déjà de savoir que j'ai mérité d'être châtié. Que comptez-vous faire ? » lui demanda M. de Carlepont. « Me retirer dans une maison religieuse, non pas seulement pour la prière et la méditation, mais pour le travail et la charité. Je m'y consacrerai tout entière. Je ne verrai mon fils que lorsque ma conscience épurée et raffermie me criera « bas ». Je comprends le motif, mieux que cela même, le sentiment qui vous inspire. Mais ce que vous voulez faire dans une autre maison, ne pouvez-vous pas l'accomplir dans celle-ci? Ne cédez-vous pas un moment d'exaltation? Et ce moment passé, quelle sera votre existence? Philiberte secoua la tête. « J'ai bien pesé tout là, » dit-elle en posant le doigt sur son cœur. « Si je restais au rocher, le levain des mauvais souvenirs empoisonnerait ma vie. Mille choses que je dois oublier me feraient souffrir, et je ne serai jamais telle que je veux être. Mon absence seule peut écarter les épines qui sont entre nous. Prenez garde, Philiberte, vous n'êtes pas née pour le travail et la retraite, » dit Monsieur de Carlepont qui s'empara de la main de sa femme avec un mouvement de tendresse sincère. « Je vous remercie de penser à moi. Cela prouve que votre cœur m'appartient encore par un côté, mais n'insistez pas. Si mes forces me trahissent, ma bonne volonté me sera comptée. Pour mon fils et pour moi, laissez-moi donc tenter l'épreuve. Un mot encore, cette épreuve, que vous voulez pousser jusqu'à ses plus extrêmes limites. Ne pouvez-vous en tenter l'expérience ici même, chez vous, auprès de moi, auprès de Henri ? Une ombre passa sur le visage de Philiberte. Peut-être le souvenir de M. de Hennecourt venait-il de la troubler. « Et le monde, l'oubliez-vous ? » reprit-elle avec vivacité. « Ne viendra-t-il pas m'y poursuivre et m'y troubler, tout au moins par ses bruits et son reflet ? Mille liens m'y rattacheraient encore, que je veux rompre. Il y a de ces situations qui ne deviennent bonnes qu'à la condition de les accepter dans leur intégrité. De ces sacrifices qui ne portent leurs fruits que si on ne recule devant aucune de leurs conséquences. Et remarquez que si j'emploie ce mot de sacrifice, c'est pour mieux répondre à votre pensée. Pour moi, ce que j'ai résolu de faire n'en est pas un. L'entrevoir et m'y préparer par la pensée est déjà une consolation, et cela rend ma vie intérieure plus douce. Et puis, il y a des actions qui répondent mieux à certaines prédispositions de l'esprit, et sans lesquelles on n'est jamais en paix avec soi-même. Rien ne me manquerait dans le milieu où vous m'offrez de rester. Pour que mon âme soit épurée et débarrassée du limon, il faut le rachat. Je n'en trouverai les conditions et les pénitences que dans la retraite et le renoncement. Ainsi, c'est une chose décidée ? Oui, j'obéis à l'appel d'une voix intérieure qui ne trompe pas. Faites donc, répondit enfin Monsieur de Carlepont. Philiberte prit la tête de Pierre entre ses mains et l'embrassa sur le front longuement. À présent, dit-elle, je sens que je vais vous aimer.